Vous écoutez France Culture. Après l'Italie, départ pour le cœur du Sahara. Désert, le Sahara est l'occasion de se découvrir. Si les uns y ont souvent croisé Dieu, d'autres la mort, Henri Lotte y avait découvert de jolies femmes au profil tout égyptien. Il est vrai que Rocher et Abri-sous-Roche recèlent nombre de peintures ou gravures fort anciennes. Saharien d'adoption, enturbanné d'un chèche blanc, Jean-Loïc Lequellec y a croisé tout simplement des monstres dont la fonction première est très probablement de terrifier curieux ou voyageurs. Pour tout savoir sur les théranthropes, entrevoir si l'un d'eux n'aurait pas survécu, voir s'il pourrait sommeiller en nous, Jean-Loïc Lequellec, bonjour. Bonjour. Préhistorien, spécialiste de l'art, directeur de recherche au CNRS, j'ai souvenir de vos travaux sur l'Afrique du Sud, dont un formidable petit livre, Vol de vaches à Crystal Cave. Quoi qu'il en soit, le Sahara est votre terrain de prédilection, pour preuve vos très nombreux ouvrages et publications. Dans le Sahara, il y a le vrai et le faux, le réel et l'imaginaire. Jean-Loïc Lequellec, au passage, les jolies égyptiennes découvertes par Henri Lotte et dont je parlais seraient tout simplement fausses. Oui, elles étaient fausses. C'est vrai que Henri Lotte a beaucoup fait rêver. Il a contribué à la fabrication du rêve saharien pour beaucoup en France, en tout cas, et ensuite dans beaucoup d'autres pays. Il a fait rêver sur le passé du Sahara, sur toute cette zone extraordinaire et les images merveilleuses qu'il a fait connaître, qu'il n'a pas découvertes. C'est d'autres que lui qui les ont découvertes, mais qu'il a fait connaître. Et il avait des théories de son époque, et notamment, il voulait à tout prix que cette immense ensemble d'images extraordinaires soit issu d'une influence égyptienne. Et à force d'en parler au feu de camp le soir, eh bien, certains de ses collaborateurs ont pensé que ce serait peut-être rigolo de lui faire une farce. Un cadeau. Et, voilà, un petit cadeau. Et ils lui ont dessiné sur une paroi de merveilleuses petites déesses égyptiennes qui collaient tout à fait avec ses théories. Et Henri Lotte était tellement content de les découvrir qu'évidemment, il a enfourché ce cheval et qu'il n'en est jamais descendu. En fait, il n'a jamais pu admettre finalement que ces déesses étaient fausses. En fait, elles étaient bien fausses, tellement fausses qu'elles ont complètement disparu parce qu'elles étaient faites à la gouache sur une paroi et maintenant... Donc on ne peut plus les voir. On peut plus les voir. Alors ce qui est très intéressant, c'est que des années après, là nous sommes dans les années à peu près 1950, dans les années 2000, deux chercheurs écrivent un papier en racontant cette histoire. Oui, alors l'histoire a été révélée ensuite une bonne dizaine d'années après, d'abord un petit peu confidentiellement, et puis ensuite on a eu finalement les aveux de l'auteur de l'œuvre, qui était Claude Guichard, qui a lui-même avoué que bon, c'était pour faire une petite farce au patron, et que en fait le patron a tellement pris la chose au sérieux qu'ils n'ont jamais osé lui dire que c'était des faux. Alors vous me racontiez aussi en antenne, il y a bien sûr le film Le patient anglais, où ils auraient fait une véritable grotte. La grotte viendrait d'être trouvée ? Avec les peintures ? Ah oui, alors le patient anglais, c'est rigolo parce qu'on raconte dans ce film la découverte d'un des plus célèbres sites du Sahara, qui est la grotte des nageurs, qui se trouve dans le Gilf Kébir, c'est-à-dire dans le désert occidental d'Égypte. Et c'est un peu difficile et un peu loin pour aller tourner là. Donc les réalisateurs ont plutôt penser à aller en Tunisie, où c'est facile de trouver des studios, etc. Et ils ont reconstruit une grotte des nageurs, mais dans un petit coin de Sahara, pas très éloigné de la route. Et il n'y a pas très longtemps, quelqu'un m'a envoyé des photos, des images de cette grotte qu'il pensait avoir découverte, et, en me disant, mais j'ai trouvé vraiment des images extraordinaires. Ça ressemble beaucoup, d'ailleurs, à ce qu'on connaît en Égypte. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'était le décor de la grotte des nageurs qui avait été retrouvé par hasard par quelqu'un qui a pensé faire une grande découverte. Et lui, des peintures qui vont probablement aussi encore s'effacer. Oui. En tout cas, les animaux dont nous allons parler sont bien vrais, à défaut d'être réels. D'ailleurs, de qui le théranthrope pourrait-il être le croisement ? Par définition, un théranthrope, c'est un mot grec, théranthrope, un petit peu savant, qui vient du grec ter, théron, hein, qui désigne la bête sauvage. On a zoo, qui veut dire l'animal en général, en grec, et puis la bête sauvage, particulièrement le fauve dangereux, c'est ter, théron. Et donc, anthrope, ensuite, c'est l'homme. Et donc, un théranthrope, c'est une créature qui n'existe pas dans la nature, une créature culturelle, une créature mythique, qui est en partie humaine et en partie animale. Et la plupart des théranthropes connus ont un corps d'homme et une tête animale. Alors, au Sahara, c'est un animal, c'est un corps d'homme, avec quel type d'animal ? Alors, il y a quelques exemples où on a une tête d'antilope ou une tête de bovine, mais l'immense majorité des cas, c'est-à-dire plusieurs centaines, c'est une tête de canidé. Manifestement, c'est des canidés. On a une idée du canidé ? Alors, voilà. Quel canidé ? Il n'y a pas beaucoup de candidats au Sahara central néolithique. Il y a le licaron et puis il y a le chacal. Alors, quand on regarde les images, c'est assez facile parce que c'est des images qui sont, bien que ce soit des êtres imaginaires, on peut dire qu'elles sont assez réalistes. C'est-à-dire qu'elles sont dessinées avec suffisamment d'art et de précision pour qu'on puisse reconnaître l'espèce de l'animal. C'est pour ça, notamment, qu'on a pu reconnaître que certains de ces animaux qui ornent donc ces corps humains, ces têtes animales, ce sont des têtes de licaons. Alors, qu'est-ce qu'un licaon ? Alors, le licaon, c'est le... Un espèce de petit chien, en fait, qui africain, c'est un animal exclusivement africain, c'est une espèce de petit chien, vraiment un toutou qui n'est pas très gros, hein, mais qui est au sommet de la pyramide des chasseurs et des prédateurs en Afrique. Alors on pense souvent que c'est le lion, non, c'est le licaon. Le licaon, bien qu'il soit tout petit, il est capable de chasser des proies comme des buffles. Un buffle, c'est un animal terrible, énorme, beaucoup plus gros que lui. Il chasse des zèbres, il chasse des énormes antilopes. Voilà, donc on a cette toute petite bête, ce tout petit chien, qui est un chasseur redoutable. Alors, quelles sont ces techniques de chasse ? Parce qu'une sorte de petit chien attaquant un buffle, ça paraît tout à fait curieux. Ça paraît étonnant. Quand on voit un groupe de licaons qui s'approche d'un troupeau de buffles, là, et on se dit, mais qu'est-ce qu'ils espèrent ? Ils espèrent quand même pas attraper un buffle. Eh bien, si, ils y arrivent. Et ce qui est très fascinant, en fait, c'est que c'est un animal assez démuni qui n'a pas vraiment d'armes naturelles à sa disposition. Il ne fait pas le poids. Il est tout petit. Il pèse pas lourd, il court vite, d'accord, mais pas très longtemps. Il a pas d'énormes dents non plus. Bon, comment s'attaquer à un buffle ? Eh bien, simplement, il compense toutes ses faiblesses par une certaine intelligence, peut-on dire, qui lui a été reconnue par tous les observateurs, c'est-à-dire qu'il chasse en groupe et il chasse de manière intelligente en se relayant. Et il isole, par exemple, dans un troupeau de buffles, il va repérer un animal un peu plus faible ou un peu plus jeune, il va l'isoler et ils vont se mettre à le courser en se relayant et ils vont finir par fatiguer l'animal et ils vont finir par réussir à l'attraper. Alors le licaon est aussi un des rares animaux à chasser pour le plaisir. Alors, c'est ce que disent aussi tous les observateurs. Ils chassent intelligemment, de manière extrêmement efficace, alors que c'est un tout petit chien de rien du tout. Et en plus, beaucoup de chasseurs l'ont accusé et l'accusent toujours d'abord d'être féroce, d'être méchant, vraiment, et de chasser pour le plaisir. Une raison naturaliste, c'est tout simplement que, comme il est petit, il ne peut pas emporter ses proies avec lui. Donc, il chasse des très grosses proies et il les abandonne sur place. Il mange un petit peu de ce qu'il peut, il se remplit le ventre et puis il s'en va. Donc, ça donne l'impression qu'effectivement, c'est par plaisir qu'il chasse. Pourquoi pas chasser des lapins, hein, à ce moment-là ? Mais non, il prend des énormes proies et il en mange très peu, finalement. Donc, ça lui a valu cette réputation de chasser pour le plaisir. Et ça lui a valu, du coup, aussi d'être exterminé. Il est protégé actuellement. Hein, il est en voie de disparition assez rapide, malheureusement. Et il a été éliminé par les chasseurs, par tous les chasseurs africains, mais aussi les coloniaux, hein, qui sont venus, les coloniaux blancs qui sont venus en Afrique, parce qu'il a été justement accusé de chasser pour le plaisir, ce qui est une honte. C'est horrible. Sauf que si on réfléchit bien, quel autre animal chasse pour le plaisir ? Le chasseur blanc. Voilà, intelligemment, sans armes naturelles et en pensant son manque d'armes naturelles par une intelligence supérieure à celle de l'animal qui chasse, eh bien c'est l'homme. Et donc, en fait, en éliminant les licaons, les hommes ont éliminé un concurrent. Est-ce que vos animaux hybrides ne seraient-ils pas tout simplement des loups-garous ? L'équivalent, du moins, de nos loups-garous ? Une sorte d'équivalent des loups-garous, pourquoi pas ? C'est vrai que, en tout cas, l'équivalent du loup justement, l'équivalent du Lycaon en Eurasie, c'est le loup, qui chasse aussi intelligemment en bande, etc. Voilà, qui a un peu la même réputation que le Lycaon en Afrique. Après, effectivement, on trouve des hommes-loups, des loups-garous dans notre culture et dans toute l'Europe. Depuis le Moyen-Âge, on a beaucoup d'images, etc. Mais l'interprétation, elle est très particulière. Ce n'est pas le lieu de la développer ici, mais c'est lié à des croyances calendaires, etc. Il y a toute une mythologie du loup-garou. Et cette mythologie-là, on ne peut pas la transposer telle qu'elle en Afrique. On est quand même en Afrique dans un autre monde, même si le Lycaon, c'est l'équivalent naturel du loup en Europe. La mythologie du Lycaon n'est pas l'équivalent exact de la mythologie du loup-garou en Europe. En tout cas, Jean-Loïc Lequelec, vos théranthropes, vos animaux hybrides, il y en a absolument partout dans le monde. Oui, partout. Du moins dans l'art rupestre. Oui, dans l'art rupestre, voilà. Assez souvent, dès qu'on a de l'art rupestre, tôt ou tard, on tombe sur des personnages hybrides, des êtres hybrides qu'on ne peut pas reconnaître dans la nature, que les naturalistes ne peuvent pas identifier. Et donc, c'est un des indices qui font penser que dans l'art rupestre, il y a autre chose qu'une la simple représentation du monde. Et qu'il y a quelque chose qui tient de la mythologie. Et notamment, quand il s'agit d'êtres qui sont mi-hommes, mi-animaux, évidemment, ça fait penser à ce qu'on connaît dans certaines mythologies. Par exemple, des maîtres des animaux, qui sont les propriétaires réels des animaux et qui consentent à ce que les hommes, de temps en temps, les chassent à certaines conditions, à condition de respecter certains tabous, par exemple. Ces êtres-là, ces maîtres des animaux, sont régulièrement des êtres qui ont des caractéristiques humaines et animales, donc qui sont des théranthropes. Il y en a aussi pas mal de représentés visiblement sur le continent américain ? Oui, je pense, disons, sur tous les continents, on en trouve. C'est une idée assez commune qui relève peut-être même de l'ordre de la métaphore quand on dit c'est un chaud lapin ou j'ai une faim de loup. L'homme se plaît à se comparer à l'animal ou à rapprocher certaines de ses propres caractéristiques de caractéristiques animales. Alors ce qu'on dit en parole quand on dit j'ai une faim de loup, si on le veut le dire en image, eh bien on représente un homme avec une tête de loup. En tout cas, ces animaux hybrides ne sont-ils pas un des plus vieux thèmes de l'humanité, du moins dans l'art préhistorique, voire les récentes découvertes dans le Jura Suabe ? Oui, parmi côté les... allemand, bien sûr. Oui, bien sûr, parmi les plus anciennes images, notamment ces petites statuettes merveilleuses qui représentent un homme lion ou une femme lionne, sont tout à fait des exemples exacts de théranthropes. On a un corps humain dressé, debout, et avec une tête de félin. C'est par définition un théranthrope. 35 000 ans, et de l'Aurignacien, l'arrivée de l'homme moderne en Europe. Immédiatement, on se met à faire du théranthrope. Et voilà, c'est parmi les plus anciennes images connues, et déjà, on a des théranthropes. C'est en tout cas au Sahara que ces représentations seraient les plus nombreuses, Jean-Loïc Lequelec ? Je ne sais pas si elles sont les plus nombreuses au Sahara, mais elles sont très nombreuses au Sahara. En Afrique, en tout cas, il y a deux zones dans lesquelles elles sont très nombreuses. C'est l'Afrique australe. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. On ne sait même pas combien. En Afrique du Sud, bien sûr. En Afrique du Sud, notamment, mais pas qu'en Afrique du Sud. Ou les Lesotho, dans les pays autour, en toute l'Afrique australe. Et le Sahara aussi est très riche. Moi, j'en ai compté quelque chose comme 450 et quelques. Donc, ça fait vraiment beaucoup d'images de ce type. Et quand on commence à brasser des ensembles aussi riches, on se dit que peut-être ça pourrait mériter un traitement de type statistique. C'est ce que vous avez fait. En tout cas, une région très particulière en possède, le Sahara libyen dont on parle en général très peu, et une région de ce Sahara libyen que l'on dénomme le Messac, c'est bien ça ? C'est ça, oui. Le Messac, c'est un immense plateau, un plateau rocheux qui se trouve à l'extrême sud-ouest de la Libye. Et ça fait en gros 300 km par 80. Et là-dedans, il y a des tas de wadis, c'est-à-dire des vallées sèches. Les ouèdes. Sur les bords des ouèdes, voilà. Sur les bords avec des falaises. Et sur ces falaises ont été représentées des tas d'images extraordinaires. Et en particulier, beaucoup d'images de théranthropes. Une région dans laquelle on ne peut absolument plus aller de nos jours. Actuellement, non, c'est impossible. Oui. Les animaux sont alors totalement énormes, monstrueux, armés et dotés d'une force absolument colossale. Oui, alors ces théranthropes du Messac, ils sont quand même très impressionnants parce que généralement, ils se caractérisent par une denture impressionnante. Ils ont l'air extrêmement féroces. Ils sont en train de brandir une hache ou un poignard. Ils s'en prennent à des animaux très dangereux, genre le buffle, par exemple, des aurochs, des rhinocéros. Voilà. Et ils les maîtrisent d'une seule main, par exemple, où on a même des images où on voit un théranthrope qui marche allègrement à grandes enjambées et qui tient un rhinocéros sous le bras. On en voit un autre, un peu plus loin, qui, avec son poignard, vient de couper la tête d'un rhinocéros et qui a posé la tête du rhinocéros sur le ventre du rhinocéros qui lui-même a été retourné sur le dos. On voit que voilà, ça ne leur posait pas de problème de s'attaquer à d'énormes animaux. Évidemment, on est dans le mythe, hein, ce n'est pas dans la réalité. Mais il y a eu donc quelque chose de l'ordre d'un récit, d'un mythe qui évoquait ces êtres capables, d'une seule main, de terrasser des animaux parmi les plus redoutables, les animaux même les plus redoutables de la région. Et ce sont des très grandes représentations qui sont en général gravées. Oui, c'est des gravures au Messac. Hein, et l'ordre de grandeur, si je me laisse aller, je dirais ils sont grandeur nature. en réalité, disons, les plus grands sont d'une taille humaine. Ils font 1 mètre, 1,60 m, 1,70 m. Voilà. Donc c'est très impressionnant. Surtout qu'ils sont très, très, très bien représentés avec un luxe de détails qui les rend pratiquement vivants. Ils ont une sorte de queue fourchue un peu à la fin et des dents absolument gigantesques. Ah oui, à voir, oui. Par exemple, le site de la page web du Salon Noir. Oui, là, il y en a un très beau qui montre une denture impressionnante. On n'a pas trop envie de se trouver en sa compagnie. En tout cas, sommes-nous là devant la preuve de la transformation chamanique du chaman, par exemple, en trans, intercesseur entre l'au-delà et les hommes? Alors, tous ces théranthropes, évidemment, dans le monde entier, ils ont un air de famille, puisque c'est des êtres qui sont mi-homme, mi-animal. Alors forcément, ils ont tous cet air de famille. Dès qu'on regarde un peu les traditions connues, c'est-à-dire, par exemple, à propos du loup-garou, justement, où on a beaucoup de textes depuis le Moyen-Âge, où on sait ce que c'est que le loup-garou, on a beaucoup de contes, de légendes, de mythes. Bon. On s'aperçoit que, selon les régions, selon les époques, les interprétations de ces images, leurs fonctions diffèrent. Et donc, on ne peut pas avoir une seule interprétation valable pour tous les théranthropes du monde. L'histoire de la transformation, du chamanisme, c'est effectivement une thèse qui a été soutenue avec des arguments tout à fait respectables et qui peuvent être admis dans certaines zones du monde, mais qui ne peut absolument pas être généralisé. Ce serait une erreur grave du point de vue méthode de dire, simplement en voyant une image de théranthrope, il y a un théranthrope, donc il y a du chamanisme. Pas du tout. Il y a un théranthrope, donc il y a un mythe, quelque part. Il y a eu un mythe qui parlait d'être à tête animale. Ça, d'accord. Mais est-ce que ce mythe était en rapport avec le chamanisme? On n'en sait strictement rien. En tout cas, le chamanisme a été, par exemple, évoqué avec des théranthropes d'Afrique du Sud, notamment. Oui, c'est de là que c'est parti, cette interprétation, enfin, cette nouvelle mise au goût du jour de cette vieille interprétation, qui est pratiquement la plus vieille interprétation avancée pour l'art rupestre. Hein. Dès le début, ça a été avancé. Mais donc là, on l'a reprise parce qu'en Afrique du Sud, effectivement, comme je disais, on en a beaucoup. Qui sont très beaux, qui sont peints et qui sont vraiment aussi représentés avec beaucoup de détails, très très beaux. Et ils ont été rapprochés de ce qu'on a pensé être des traditions chamaniques chez les Bushmen, chez les San d'Afrique australe. Mais c'est une interprétation qui pose déjà rien que là beaucoup de problèmes. Et de toute façon, on peut pas la généraliser. Pour les auditeurs du Salon Noir de France Culture, je rappelle Jean-Loïc Lequellec que vous êtes préhistorien, directeur de recherche au CNRS, spécialiste bien sûr de l'art rupestre saharien, et que nous évoquons les théranthropes, ces animaux hybrides figurés sur les parois du Tassili et du Messac libyen. Ne pourrait-il s'agir d'une métaphore, tout simplement, une sorte de métaphore de la relation homme-animal? Oui, c'est un premier niveau de lecture, c'est celui-là. Plus simple. Voilà, c'est le plus simple, c'est le plus direct, disons. Si on veut exprimer par des images, des idées à propos de l'animalité de l'homme, par exemple, ou de l'humanité possible de l'animal, ou en tout cas, si on veut réfléchir sur la distinction entre homme-animal, y a-t-il une limite? Y en a-t-il pas? Est-ce qu'on peut passer de l'un à l'autre? Toutes ces questions qui agitent toutes les cultures du monde depuis toujours. Si on veut réfléchir à ces questions avec des images, il y a une image qui s'impose, c'est évidemment l'image d'un homme avec des caractéristiques animales, qui partagent des caractéristiques humaines et animales. C'est le premier niveau de lecture, effectivement. Et la mythologie comparée tendrait à montrer qu'il pourrait s'agir d'esprits des morts. C'est une chose qui a été aussi évoquée. Oui, ça a été évoqué notamment à cause des canidés. Quand il s'agit de théranthropes avec une tête de canidé, on pense immédiatement à Anubis, par exemple. Mais on peut penser à beaucoup d'autres divinités de diverses mythologies du monde qui sont des gardiens du monde des morts. Je pense par exemple à Axolotl, qui a donné le mot qu'a donné Coyote en français. Hein. Axolotl, qui est aussi un gardien du monde des morts et qui, en Amérique, donc en Mésoamérique, qui a une caractéristique animale qui est celle du coyote. Mais c'est là quelque chose qui est aussi relève d'une certaine logique naturaliste, puisque les canidés, en général, sont considérés comme le chien, qui est quand même le plus vieil animal domestiqué. Le chien est quand même le gardien par excellence. C'est le gardien de la maison, c'est le gardien de l'endroit où on habite, c'est un compagnon de l'homme, certes, mais la nuit, on ne sait pas trop où il va. Donc c'est un animal liminaire, c'est un animal des limites. Et puis, il est aussi en relation avec le monde des morts, parce qu'on observe souvent que le chien, il gratte la terre. Or, si les morts sont sous terre, voilà, c'est un animal fouisseur. Et donc, qu'est-ce qu'il cherche là? Et quand on le voit se promener avec des os, ou sortir un os de la terre, un os qu'il peut avoir caché là auparavant, mais peu importe, si on le voit sortir un os de la terre, on se dit que cet animal a forcément un rapport avec les morts. Il y a tout un ensemble comme ça de caractéristiques du chien en général qui le prédispose à être un animal, l'animal par excellence qu'on va choisir pour être le gardien du monde des morts. Si on lui prête en plus des caractéristiques anthropomorphiques, on obtient Anubis, on obtient Xolotl ou bien d'autres dans le monde, mais ça ne veut pas... Saint-Christophe cynocéphale. Saint-Christophe. On parlait de mots quand même. Voilà, nous avons nous aussi un Saint-Christophe à tête de chien. Merveilleux, il faut lire Jacques de Voragine, donc, qui raconte au XIIe siècle, dans sa légende dorée, comment Saint-Christophe était un géant couvert de poils avec une tête de chien, qui était redoutable. En tout cas, vous avez mis en place une nouvelle approche pour appréhender ce sujet, une approche alliant système d'information et modèle phylogénétique, c'est bien ça? Expliquez-nous un peu ce que vous avez voulu faire. Je me suis dit qu'en fait, évidemment, c'est très intéressant toutes ces spéculations en fait, sur la signification des théranthropes, mais comment savoir si ce qu'on dit, c'est pas finalement des bêtises hein. Voilà, ça peut être très intelligent et moi, ça m'intéresse beaucoup, mais bon, est-ce qu'on peut pas faire autre chose avec ces fameux théranthropes? Et je me suis dit, bon, laissons de côté toutes ces discussions sur le chamanisme, le monde des morts, etc., le maître des animaux, et faisons d'abord une base de données des théranthropes. Je me suis intéressé donc à ceux du Sahara, parce que c'est ce que je connais le mieux et c'est là qu'il y en a le plus. J'ai fait une base de données pour savoir rien que... simplement combien il y en a et où est-ce qu'il se trouve. Voilà. Alors, il y en a un peu partout, mais il y a visiblement deux régions à forte densité. Voilà, donc le Messac, dont on a parlé tout à l'heure, et puis dans le sud de l'Algérie, la région voisine, hein, juste à l'ouest, qu'on appelle le Tassili, il faudrait dire la Tassili de Najer, hein, mais le Tassili, voilà, et c'est là qu'on en a le plus. Donc j'ai fait une base de données, tout simplement, et j'ai essayé de les définir. Donc vous avez essayé de trouver des critères stylistiques pour pouvoir déterminer chaque animal, chaque représentation? Pas vraiment stylistique. Justement, j'ai aussi mis de côté les questions stylistiques parce que c'est aussi des questions qui sont un petit peu subjectives. J'essaie d'être le plus objectif possible. Alors, donc, c'est-à-dire... On va dire anatomique dans ces cas-là. Voilà. Donc les critères, ça va être des critères simplement somatiques, descriptifs, morphologiques. Alors, par exemple, tel théranthrope, il a une queue ou il n'en a pas. Voilà. Ses oreilles, est-ce qu'on les voit ou est-ce qu'on ne les voit pas? Alors, si on les voit, comment elles sont? Elles sont grandes, elles sont petites, elles sont pointues ou elles sont arrondies, etc. Que des questions comme ça, très simples, par lesquelles on peut répondre tout simplement par oui ou non. Oui, il a une queue, non, il n'en a pas. L'intérêt, c'est que ensuite, si c'est non, eh bien, on écrit 0. Et si c'est oui, on écrit 1. Et ça, des suites de 0 et de 1, les ordinateurs, ils adorent. Donc vous avez fait de la phylogénétique ensuite. Voilà. Du moins, repris un modèle phylogénétique. C'est ça, parce que donc, des suites de 0 et de 1 qu'on aligne comme ça, ça fait ce qu'on appelle une matrice, c'est-à-dire une espèce de grand rectangle, avec plein de 0 et de 1 partout. Et en fait, c'est très simple, c'est qu'en face de chaque théranthrope, j'ai une ligne qui le définit. Une ligne de 0 et de 1 qui le définit. C'est-à-dire, il a une queue, bon, bah, ça va être 1 à cet endroit-là. On ne voit pas les oreilles, ça va être 0, etc. On voit les dents, on ne les voit pas, etc. J'ai comme ça une ligne, une grande ligne de 0 et de 1 qui définit toutes ces caractéristiques. Et je fais ça pour tous les théranthropes, ce qui fait qu'ensuite, je peux avoir des logiciels qui sont conçus par les généticiens, par les phylogénéticiens, pour comparer les codes génétiques, qui sont aussi des codes du même ordre. Moi, j'utilise 0,1, eux, ils utilisent d'autres codes, mais l'idée, c'est la même. Et donc, en utilisant leur système pour comparer une espèce de code génétique des théranthropes, finalement. Je me suis dit, qu'est-ce que ça va donner ? Qu'est-ce que ça donne ? Alors, à ma grande surprise, je m'attendais à ce que ça donne quelque chose d'intéressant, mais ma grande surprise, ça a été que j'ai vu... il faut dire que ces logiciels dessinent un arbre à la fin des calculs. On vous dessine un arbre qui vous, disons, qui représente les proximités entre espèces. Hein. Les liens. Les liens, voilà, vous savez, ces arbres de l'évolution qu'on voit, qu'on connaît. Hein. Eh bien là, toutes les branches du Messac sont d'un même côté et toutes les branches du Tassili sont de l'autre côté. Alors que je n'ai rentré dans ma base de données aucune information géographique, ni aucune information stylistique qui pourrait aussi te lier à des zones, etc. Je n'ai rentré que des informations du genre, il a un gros nez, il a un petit nez, il a des grandes oreilles, il a des petites oreilles, il a une queue, il n'en a pas. C'est-à-dire des informations qui n'ont aucune raison d'être marquées géographiquement. Alors, si j'ai bien compris, Jean-Luc Lecalec, d'un côté, on a le Messac libyen avec des représentations de théranthropes de Lycaon extrêmement terrifiants, des mâchoires hypertrophiées, quelquefois un rhinocéros sous le bras, une massue sur l'épaule. Et qu'est-ce que l'on a dans le Tassili ? Alors, dans le Tassili, on a aussi donc des théranthropes, mais alors, curieusement, ils sont complètement opposés. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas associés à des activités de terribles, genre je manie une hache et j'abats avec ça des êtres redoutables, des animaux redoutables. Non, on les voit plutôt en train de copuler avec leurs petits camarades, où ils sont tout simplement ensemble, en train de... on ne sait pas trop ce qu'ils font, mais ils sont là, tranquillement, paisibles, disons, ensemble. Et puis, surtout, leur morphologie est complètement différente. Alors qu'au Messac, on a des grandes oreilles arrondies, eux, ils ont des petites oreilles pointues. Alors qu'au Messac, on a un gros museau carré, eux, ils ont un museau pointu. Au Messac, on n'a pratiquement jamais de queue, eux, ils ont presque toujours une queue. Ils sont à l'opposé. Et en fait, on s'aperçoit que d'un côté, le Messac, on a donc des théranthropes qui tiennent leurs caractéristiques animales du Lycaon. Et de l'autre côté, au Tassili, on a des théranthropes qui les tiennent du chacal. Oui, le Messac serait aussi à la violence que le Tassili serait aux relations sexuelles. On peut pratiquement dire ça comme ça. Est-ce qu'on pourrait y voir une sorte d'emblème de chasseurs ? On est sur des sociétés de toute manière très pastorales, normalement. Ah oui, c'est des pasteurs. Tout ce qu'il y a de plus... ils ont représenté sur leurs images des milliers de bovins. On les voit en train de s'occuper de leurs bovins, de traire les vaches, etc. Ça fait pas l'ombre d'un doute. Et on le sait par d'autres sources aussi, plus proprement archéologiques. Bon. Mais... ceux du Messac, par exemple, ont conservé aussi des traditions qui manifestement relèvent de la chasse. Mais à ce moment-là, ce n'est pas du tout une chasse de survie, ce n'est pas une chasse pour se nourrir, c'est plutôt une chasse de prestige, certainement. C'est une chasse qui tient plus de l'ordre du symbolique que de l'ordre de « je chasse pour me nourrir ». Il y a autre chose dans ces images-là. Mais on pourrait déjà y voir une différenciation sociale, une sorte autour liée justement à cette chasse, au prestige ? Certainement qu'il y a quelque chose de ce genre-là, un peu comme la chasse à cour chez nous. Les gens qui chassent à cour, ce n'est pas pour se nourrir. Bon. Et là, il y a certainement quelque chose de ce genre-là qui se voit sur plein d'indices qu'on constate sur les images. Et la chasse était donc très importante. Et il me semble que quand on se trouve en Afrique, dans un endroit où il y a des lycaons, eh bien, si on a envie de porter l'attention sur le fait qu'on soit chasseur et que c'est prestigieux d'être un chasseur. Et si on a envie de se montrer tel sur une image, eh bien, le mieux qu'on ait à faire, c'est d'utiliser un théranthrope à tête de lycaon. En tout cas, peut-on dire qu'à partir d'un fond commun, deux sociétés voisines ont élaboré leur propre idéal du théranthrope ? C'est ce qui me semble. Il me semble que... Mon hypothèse, c'est que cette imagerie du théranthrope à tête de lycaon serait née au Messac, donc pour des raisons d'identification à un prédateur redoutable, à un chasseur, à l'archétype du chasseur, au chasseur d'entre les chasseurs, et puis que les voisins donc du Tassili partageaient une culture similaire, mais que probablement ultérieurement, ils ont voulu se démarquer des gens du Messac et qu'ils ont choisi un autre canidé pour s'identifier. En tout cas, on pourrait dire que ces hommes ont essayé d'entrevoir l'animalité dans l'homme, l'humanité dans l'animal. C'est à peu près ce que l'on pourrait dire ? Oui, je crois que ces images témoignent vraiment d'une réflexion très élaborée sur toutes ces questions qui nous agitent encore. Jean-Loïc Lekalec, merci beaucoup. Je signale que vous venez de publier un article dans la revue Archéologia, partenaire d'ailleurs du Salon Noir, et un autre beaucoup plus pointu dans les cahiers de l'AARS. De quoi s'agit-il exactement ? C'est l'Association des Amis de la Rupesse Saharien, dont je suis président. Dans le Salon Noir, la semaine prochaine, Grégory Pereira nous parlera des Oustèques, peuple méconnu et voisin, bien sûr, des Aztèques. Le Salon Noir est réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Kevin Lebars, attaché d'émission Catherine Donné. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page du Salon Noir, sur le site franceculture.fr ou retrouver plus de 200 archives de l'émission sur le site inrap.fr.